Vous écoutez France Culture. Les lundis l'histoire, Michel Perrault, bonjour. Après plusieurs émissions consacrées à la Première Guerre mondiale, que nous retrouverons bientôt, notamment à propos de Jaurès et la guerre, c'est la seconde qui nous occupera aujourd'hui, autour de deux figures, à la fois victimes et héros, de ces temps d'occupation et d'extermination. Jean Zay et l'institutrice Dizieux. Jean Zay, 1904-1944, brillant ministre de l'Éducation nationale du Front populaire, condamné à la déportation pour, soi-disant, désertion, au terme d'un procès inique, fut emprisonné la plupart du temps à Rion et assassiné par des miliciens le 20 juin 1944. Il a beaucoup écrit en prison, notamment des lettres et des carnets. Et c'est cet ensemble que viennent de publier les éditions Belin, sous la conduite d'Antoine Pro, professeur émérite de l'Université Paris 1, qui préface ce livre impressionnant à plus d'un titre et qu'il va nous présenter. Ce livre s'intitule « Jean Zay, écrit de prison 1940-1944 » et il vient donc de paraître aux éditions Belin. Gabriel Perrier-Tardy, 1922-2010, fut l'institutrice de la maison Dizieux où étaient réfugiés des enfants juifs qui furent raflés par les soldats allemands sur ordre de Klaus Barbie le 6 avril 1944. Dominique Missika, historienne, éditrice, femme de radio, écrivain, qui a travaillé sur le procès Barbie, nous raconte son histoire et nous fait revivre ses épisodes tragiques. Son livre s'appelle « L'institutrice Dizieux » et il vient de paraître au Seuil. 6 avril 1944, 20 juin 1944, la rafle des enfants Dizieux, l'assassinat de Jean Zay, eurent lieu dans cette période d'extrême tension où les nazis se sentant vaincus, multiplièrent les persécutions de toutes sortes. Jean Zay d'abord. Antoine Pro, vous êtes historien, je n'ai pas besoin de vous présenter, tout le monde vous connaît. Mais au départ, vous êtes historien de la Première Guerre mondiale. Et d'ailleurs, vous présidez le conseil scientifique de la mission du centenaire et vous travaillez beaucoup, toujours, sur la guerre 14-18. Mais vous êtes aussi spécialiste, tout le monde le sait, de l'histoire de l'éducation. Mais là, c'est Jean Zay qui vous a retenu. Vous présidez d'ailleurs l'association des amis de Jean Zay et vous avez déjà introduit un texte autobiographique de Jean Zay, écrit lui aussi en prison, Souvenirs et solitude, dont nous reparlerons certainement dans un instant. Et aujourd'hui, donc, ces écrits de prison que je viens d'évoquer. Je voudrais d'abord vous demander, Antoine Pro, comment vous avez rencontré Jean Zay? Racontez-nous votre rencontre avec Jean Zay. Ma rencontre avec Jean Zay, c'est de la petite histoire, hein, ça n'a pas grand intérêt. À l'origine, je ne suis pas un historien de la Première Guerre mondiale. Je suis un historien du Front populaire. Ma première recherche est sur l'opinion catholique française et la guerre d'Espagne. Et ma seconde, c'est sur la CGT à l'époque du Front populaire. Et donc, d'une certaine manière, j'aurais dû, m'occupant du Front populaire, rencontrer Jean Zay. Et c'est pas à ce moment-là que je l'ai rencontré, c'est plus tard, quand René Raymond m'a demandé de faire pour la collection U qu'il venait de lancer une histoire de l'enseignement. J'ai accepté, je suis tombé sur le ministre de l'Éducation nationale. Et en plus, ce ministre de l'Éducation nationale, c'était un Orléanais, j'habitais Orléans. Je me suis donc demandé s'il y avait des archives et je suis allé voir Madame Janzet. C'est là que j'ai fait connaissance à la fois de Janzet, de sa femme, Madeleine, et de ses deux filles qui sont devenues des amies, Catherine et Hélène. Catherine née en 1936 et Hélène née au Maroc alors que Janzet était déjà pris par la haine de Vichy et emprisonné à Clermont-Ferrand. Et c'est comme ça que je suis arrivé à Janzet. Oui, puisque vous parlez de Catherine et d'Hélène, nous leur dédierons cette émission. Elles sont très présentes dans les écrits de prison de Janzet, puisque au fond, Catherine a été presque élevée en prison et Hélène y a fait ses premiers pas. Il y a un passage amusant où Madeleine, étant obligée de partir à Clermont-Ferrand, dépose à la prison Hélène à 7 heures du matin et Janzet lange la petite Hélène. On a oublié qu'on langeait les enfants en ce temps ancien. Et on doit d'autant plus rendre hommage à Hélène et Catherine qu'elles ont légué aux Archives nationales les archives de leur père. Qui sont volumineuses. Qui sont assez volumineuses, et dont un inventaire a été publié. Donc ce sont des archives disponibles qui ne sont pas très intéressantes pour le ministre de l'Éducation nationale, mais qui sont en revanche très intéressantes sur l'avocat et le député. Si on veut voir ce que c'est qu'un député de la un parlementaire de la Troisième République, c'est un très beau fond. Oui. Et alors, les lettres et les carnets, c'est les deux gros ensembles qui composent ce livre, sont aux Archives nationales. C'est aux Archives nationales. C'est inédit. Alors, les carnets sont in extenso. Dans les lettres, la correspondance est tellement abondante qu'il y a fallu faire des tris. C'est indiqué chaque fois. Et comme elles sont numérotées, on s'aperçoit, parce qu'elles sont assez répétitives. La vie d'un prisonnier est une vie plutôt monotone et les journées se ressemblent. Donc raconter ces journées jour après jour, c'est souvent monotone, mais c'est essentiel pour le rapport. C'est absolument essentiel. Ah, oui. C'est comme les correspondances des poilus pendant la guerre. Elles sont très souvent monotones et répétitives, mais ça veut dire j'existe, je pense à vous. Et c'est ça qui compte. Je trouve que c'est très poignant. Enfin, le récit rend compte du quotidien. Ce quotidien, comme vous dites, monotone, répétitif, mais où chaque événement, une visite, un plat, si on peut dire, une nourriture un petit peu différente, enfin, le froid aussi. La maladie, la conjonctivite, la grippe. La conjonctivite, pour lui, c'est terrible parce que ça l'empêche de lire. Donc ça fait des journées vides, des journées creuses. Il y a aussi... Là, nous parlons de la vie quotidienne, quand elle est stabilisée à la prison de Rion. Il y a une première période qui est celle de l'instruction de ce procès absolument inique. Les lettres à Madeleine. Oui, les lettres. Alors là y a, c'est le grand moment, si on peut dire, de la correspondance, j'allais dire amoureuse, car c'est un couple amoureux. C'est un couple amoureux. C'est très beau. C'est très pudique et très belle. Pudique et très beau. Oui, tout à fait. Alors, donc, ces lettres à la famille, à Jacqueline, la sœur aussi, très importante, à des amis. Je pense à Jacques Kayser. Il faut peut-être rappeler qui il était. Jacques Kayser, c'était un radical. Ça a été un bon historien, un bon politiste après la guerre. Spécialiste de la presse, tout à fait. Et puis il y a Alexandre Varenne, qui était son avocat. Il y a Marcel Abraham, qui était son directeur de cabinet. Il y a toute une série de gens qui passent. Voilà, il y a des gens qui passent et il y a un noyau stable. Il y a un noyau stable que l'on retrouve. Et puis il y a le pasteur. Ça, on découvre un protestant. Madeleine emmène les filles au temple tous les dimanches. Oui. Le pasteur vient lui rendre visite tous les 15 jours. Il y en a deux, d'ailleurs, dont il donne les noms. On voit le monde, le noyau et les gens qui passent. C'est en effet très important. Ceci dit, tout à fait au début de votre présentation, Antoine Pro, vous dites... C'est important de rappeler les périodes. Ça, je crois que c'est important. C'est essentiel. Et j'aimerais qu'avec vous, justement, on voit ces trois périodes que vous distinguez et qui aideront nos auditeurs aussi à se rendre compte de ce qui s'est passé. Alors, il y a une première période qui va de août 1940 à mai 1941. Alors, comment est-ce que Jean Zay est arrivé là? Bon, alors écoutez, c'est simple. Jean Zay est ministre de l'Éducation nationale du Front populaire du 6 juin 1936 au 2 septembre 1939. Et quand la guerre éclate, il demande à être incorporé. Il est incorporé comme sous-lieutenant dans un train, dans un régiment du train. Il était plutôt classé inapte au service en raison de sa mauvaise vue, mais il rejoint. Bon. Le statut des députés mobilisés n'a jamais été réglé pendant la guerre de 14. Et ce qui était admis, c'est que ceux qui voulaient être militaires, ils allaient dans l'armée. Et puis quand le Parlement se réunissait, ils quittaient l'armée pour venir à Paris. C'est ainsi que, par exemple, Abel Ferry, qui a été tué au front, ou que Drian, le fameux Drian du Bois des Corps, Verdun 1916, ont fait l'aller-retour entre le front et le Parlement. On n'a jamais légiféré pour dire si le devoir des députés en âge de servir, c'était d'être député ou d'être militaire. Bon. Donc lui, il fait ce qu'on a fait pendant la guerre de 14. Et quand le Parlement se réunit à Bordeaux, il quitte son unité et il va à Bordeaux rejoindre le Parlement. Et il va embarquer sur le Massilia pour continuer la lutte depuis l'Afrique du Nord. Il faut savoir que le gouvernement avait décidé de continuer la lutte en Afrique du Nord. Le président de la République avait fait ses bagages et il devait embarquer à Port-Vendres. Et sa voiture était prête. Alors il y en a qui partaient vers le Maroc par le Massilia et il y en a qui partaient vers l'Algérie par Port-Vendres. Et puis Laval est allé faire une scène absolument épouvantable avec une cinquantaine de députés auprès du président de la République pour lui dire « vous n'avez pas le droit de faire ça ». Le président de la République a cédé et on a changé de politique. Mais Jean Zay était sur la politique précédente et le bateau était en route. Bon. Il y avait Pierre Mendès-France. Alors, il y avait Pierre Mendès-France, il y avait Daladier. Enfin, ils étaient une vingtaine de parlementaires. Et ils arrivent fin juin au Maroc. Ils ne sont pas très bien reçus, mais le 16 août, Jean Zay est convoqué au bureau de la place. Il est inculpé à Vichy et donc il quitte sa famille. On l'embarque. Il va traverser la Méditerranée, Marseille, Clermont-Ferrand, où la justice militaire, le conseil de guerre, doit régler son cas. Et il est accusé, dans un premier temps, d'abandon de poste en présence de l'ennemi. Abandon de poste et désertion en présence de l'ennemi. Et il faut savoir que ça vaut la peine capitale. C'est-à-dire que la première inculpation est une inculpation qui permet de fusiller Jean Zay. Or, cette accusation, comme celle elle ne va pas être maintenue puisqu'il va être condamné pour désertion, elle est complètement stupide parce que d'une part, ce n'est pas une désertion puisqu'il est en accord avec son chef de service et qu'il fait ce que tous les parlementaires ont fait quand ils avaient préféré être mobilisés tout en restant parlementaires. En plus, ce n'est pas en présence de l'ennemi, puisque l'ennemi il est à plus de 100 km. Donc moi, je veux bien que l'ennemi soit présent virtuellement. Mais enfin, c'est la présence virtuelle, ce n'est pas un motif juridique reconnu. Bon. Donc, à mon avis, l'intention de Vichy était purement de donner une couverture juridique à une décision politique. Oui. Donc, on a l'impression que dès ce moment-là, ils veulent... Mais à l'origine, à mon avis, ils voulaient le fusiller. Et alors, ils se sont ravisés et il a été condamné, si j'ose dire seulement, à la déportation. La déportation, c'est la peine de Dreyfus. C'est une peine qui n'avait pas été prononcée depuis le procès de Dreyfus. Mais une absurdité incroyable. Ah non, mais pour lui, hein, pour lui et pour son avocat, c'est un coup de massue, parce que c'est absolument contraire à l'évidence. Enfin, on prouve que les Allemands étaient à plus de 100 km de Jersey, et le juge dit non, c'était en présence de l'ennemi. Enfin, comment voulez-vous, même si vous pensez que la justice peut être partiale, mais contraire à ce point, à l'évidence prouvée. Bon, puis il y a plein d'incorrections. Le ministre de l'Intérieur de l'époque a demandé à témoigner, on n'a pas accepté qu'il témoigne, etc., etc., etc. Donc c'est le côté purement arbitraire de cette justice est incontestable. Absolument. Mais pour Jean Zay, c'est très très dur, parce que Jean Zay, il est quand même avocat de métier. Oui. Il croit à la justice. Et c'est quand même un peu aussi un intellectuel. En tout cas, c'est un écrivain, c'est un homme cultivé, c'est un humaniste. Il croit à la vérité. Il croit à la vérité, à la justice. Mais ni vérité, ni justice ne tiennent dans cette histoire. Donc il reste très, très abattu. Très, très atteint. Alors, d'autant qu'on va le transférer à Marseille pour qu'il prenne un bateau et qu'on l'envoie dans une île lointaine, ce qu'on ne va pas pouvoir faire parce que... C'est les Anglais qui tiennent les mers et ce n'est pas les Allemands ni les Français. Donc, il va rester quelque temps à Marseille, d'une condition très dure, puis comme on ne l'embarque pas, on va l'installer à Rion. Oui. Et à Rion... Alors là, on va entrer dans une deuxième période. Mais plus tard, quand sa famille va arriver. Parce qu'il arrive à Rion en janvier, il y a quelques mois, en quelque sorte, de transition. En quelque sorte. Il parle de cette hallucinante journée du 4 octobre. Oui, c'est son procès. Hein, qui est le jour où on a prononcé sa peine. Et lui-même a raconté ce procès. Et le texte est publié dans le livre, l'affaire Jean Zay, où il raconte son arrestation, l'instruction, l'audience, c'est un texte stupéfiant, enfin, absolument. C'est tout à fait intéressant. Tout à fait intéressant. Oui. Et alors, en même temps, et vous le disiez à l'instant, ça lui paraît tellement inique qu'il pense que la vérité va être dévoilée et qu'on va reconnaître l'injustice. Ça lui paraît absolument impossible que... Impossible qu'un jour ou l'autre, ça ne ressurgisse pas. Mais en attendant, il adopte la posture, je dirais, de la victime innocente. Oui, le martyr. Du martyr. Et il y a des passages très beaux où il dit « il faut que je sois digne de mon destin ». C'est après tout, ce qui m'arrive est tellement incroyable que, d'une certaine façon, c'est une reconnaissance. Et donc, alors cette posture de victime innocente, cette posture de persécuté, à mon avis, d'une certaine manière, c'est un peu l'image qui reste de lui. Oui. C'est un peu l'image que son assassinat a consacrée. C'est-à-dire l'image de la victime. L'image du martyr. L'image du martyr de ses idées. Ah oui. Parce que dans le cas de Jean Zay, et toute la correspondance le montre, victime, oui, certes, mais il a fait quelque chose avec ce côté-là, il est un résistant. Je trouve qu'on fait commencer la résistance beaucoup trop tard. La résistance, elle commence... dans les années 36-37, elle commence après l'Anschluss, elle commence au moment de Munich. Et Jean Zay, à ce moment-là, est un résistant. Il s'est posé la question de savoir s'il restait au gouvernement après Munich. Il reste pour maintenir une ligne dure. Et d'ailleurs, pendant qu'il est en prison, un de ses amis livre aux vichysois les carnets qu'il avait tenus comme ministre à cette époque. Ils sont publiés par Gringoire. On ne sait pas trop comment, on ne sait pas s'il y a eu des coupures, sans droit d'auteur. Il y a eu un procès après la guerre que Madeleine Zay a d'ailleurs partiellement gagné. Ce que lui reproche Vichy, c'est justement d'avoir prêché la résistance à Hitler. Ça fait partie des choses qu'on ne lui pardonne pas. Mais alors, moi, ce qui me frappe chez Jean Zay, c'est à quel point Jean Zay attire la haine. parce que c'est la haine qui fait qu'il est assassiné. Et alors c'est la haine contre le juif, il n'est pas vraiment juif, il a un ascendant juif sur quatre. Donc au terme de la loi de Vichy, comme des Allemands, il n'est pas juif. Juridiquement, il n'est pas juif. Mais comme il le dit dans Souvenirs et solitudes, j'ai tenu à honneur de ne jamais le réfuter. Chapeau. Il est franc-maçon. Bon. Il est radical socialiste. Il a participé au Front populaire. Il a participé au Front populaire. Il a été ministre du Front populaire. Ministre du Front populaire. Ouais. Il a été ministre d'Éducation nationale, des instituteurs pacifistes. En plus, il veut résister à Hitler. Il a tout contre lui. Et ce qui comme disait Céline, je zais. Absolument. Et ce qui terrible, me frappe, c'est que c'est qu'on voit de nouveau cette haine se manifester 70 ans plus tard à l'occasion de sa panthéonisation. Vous trouvez, Antoine Ah ben je vous trouve, trouvez, oui. On ressort exactement les polémiques de l'Action française en 1936 contre Jean Zay. Mmh. Et à propos d'un pastiche d'Hervé qui est l'affaire 1923, d'un texte de jeunesse sur lequel il a donné toutes les explications à la Chambre, à tel point que Xavier Vallat, qui est le futur commissaire aux questions juives de Vichy, se dit très satisfait des explications que M. Zay vient de donner. Mais la satisfaction de Xavier Vallat n'empêche pas la haine de continuer. Et pendant que Jean Zay est en prison, Gringoire, la presse collaborationniste, continue à se déchaîner contre lui. Une haine absolument inextinguible. À propos du droit, quelque chose est très frappant aussi. Le premier ministre de la justice de Vichy, c'était Joseph Barthélemy. Oui. Et parce qu'il était juriste, Jean Zay a encore l'espoir qu'il va reconnaître le droit. Par exemple, quand on lui donne non pas les droits politiques, puisqu'on ne les lui a jamais reconnus, mais un régime qui se rapproche un peu du régime des politiques, il dit « Ah ben, Joseph Barthélemy, on voit qu'il est juriste ». Oui, mais ça, il y a un malentendu total. En même temps, Barthélemy vient de voir dans sa prison... Et Barthélemy est manifestement pas à l'aise, parce que comme il est juriste, et Jean Zay, il en rencontre dans ses carnets, il dit qu'il était plus gêné que moi. Et c'est vrai, Et ce Barthélemy est un grand juriste. C'était un grand juriste. Par exemple, dans un article publié, je ne sais plus quand, dans la revue de droit public et de sciences politiques, qui est la grande revue de droit public, il vous explique comment on a violé la Constitution pendant la guerre de 1914 de manière absolument éhontée. Puisqu'on met la loi sur l'état de siège qui est appliquée le 4 août 1914, prévoit que le Parlement siège de plein droit dans les deux jours qui suivent. Et le Parlement est renvoyé à Bordeaux. Et il est suspendu. Alors, tout cela ouvre, au fond, il y a une deuxième période dont on parle beaucoup, du 30 mai 1941, vous allez me dire ce que ça représente, jusqu'au 25 avril 1944. Alors là, oui, ça se dégrade un peu avant. Oui, pas tout à fait, trois années. Ça se dégrade un peu avant. Oui. Mais des années absolument étonnantes. À Rion. Alors là, il est à Rion. Ouais. Madeleine et les filles sont arrivées, résident à l'hôtel, l'hôtel des voyageurs, puis après un appartement. Mais il y a son père aussi, et le père, Léon, qui lui est juif et qui va être obligé de se cacher à la fin. Il est en visite quelque part et il vaut mieux pas aller le voir. Oui, alors signalons à ce propos que la correspondance est souvent codée. Il y a des noms... Toujours codés. Des noms personnels, et même l'Angleterre, l'Allemagne s'appellent... Oui, l'Angleterre, c'est Ida. Les Allemands, je ne sais plus comment, c'est... C'est Georges. Georges. Et la police allemande... Georges va mal. La police, c'est Déron. Georges va mal. Oui, alors Georges Déron, c'est la police allemande, mais Déron, ça peut être la police française. Enfin, la correspondance est codée. Je ne suis pas sûr que ça ait eu une grande utilité. Non, je crois que s'ils avaient vraiment... Parce que s'ils avaient vraiment voulu... Non, mais alors, ce qui est tout à fait paradoxal, c'est que là, vous avez une sorte de vie de famille étrange. Oui. étrange, puisque Madeleine et les filles viennent dans la journée, le matin. Mmh. Généralement, elles mangent à l'hôtel, elles reviennent l'après-midi. On met le parc dans la cellule pour que la petite fille... Pour la petite Hélène. Pour la petite Hélène, qu'elle puisse se tenir debout. Oui. On reçoit les visiteurs. Oui, Catherine fait ses devoirs. Elle est très Catherine bonne élève, Catherine fait ses devoirs, elle est très bonne élève. Oui, bon, et, oui c'est étonnant. Et en même temps, c'est, je pense qu'on a probablement des vies de famille analogues chez des réfugiés ou des gens qui se cachent. Je pense qu'une famille juive qui se cache quelque part à Fort-Calquier, ils ne doivent pas sortir beaucoup, ils ne doivent pas pouvoir travailler, parce que travailler, c'est être public. Donc, alors, ça veut dire qu'on parle beaucoup. Oui. L'intimité est nécessairement restreinte puisqu'on est dans une salle surveillée. Même à la fin, il y a un planton qui s'assied dans la chambre, dans la cellule de Jean Zé pendant que sa famille y est. Donc, on parle beaucoup et les jours coulent les uns derrière les autres. Mais lui est hyperactif. C'est un homme qui lit énormément tout. Ah, il Par exemple, tout. Il a lu Marcel Proust en prison. Oui, il a lu Marcel Proust en prison. Il en parle très bien, d'ailleurs. Et il écrit. Il écrit non seulement son courrier et ses carnets, mais il écrit des livres. Il écrit bon, Souvenirs et Solitude, qui est un très beau... Deux romans. Il y en a un qui est publié. Et l'autre des romans policiers. Voilà. Oui. Donc c'est un écrivain en même temps. C'est tout à fait extraordinaire. Et puis lorsqu'il frappe, il y a sa correspondance. Ça lui prend beaucoup de temps parce que les lettres sont énormément longues et je vous dis, il y en a beaucoup. Le livre est gros. Deux tiers sur la correspondance. Mais on en a supprimé des dizaines. Oui. Oui, il y a au moins 600 pages de correspondance dans dans ce livre, et c'est extrêmement important. Ce qui me frappe aussi beaucoup... Et alors, en même temps, il est au courant de tout ce qui se passe et voilà, il donne son avis. J'allais vous dire, l'actualité, envers et contre tout, pénètre dans la prison. Absolument. Et le langage codé permet de voir la campagne de Russie, les bombardements en Angleterre... Ah, il connaît l'attaque en Russie le 22 juin. Donc, oui, je ne sais plus comment il appelle les États-Unis, c'est pas Arthur, mais c'est quelque chose comme ça. Oui, et alors il a même, semble-t-il, des rapports avec les Français libres à Londres. Oui. À un moment donné, il laisse même entendre qu'il a des relations avec De Gaulle. Oui, mais il appelle Delguet. Delguet. Donc c'est probablement De Gaulle. C'est pas absolument sûr, mais vu le contexte, c'est De Gaulle. Donc il dit qu'il a des liaisons régulières. Et ce qui est certain, Benoît Verny l'a prouvé. Il y a déjà une vingtaine d'années. Il y a dans les cahiers de l'organisation civile et militaire de résistance, le cahier numéro 2, il y a un texte sur l'organisation d'un ministère de la vie culturelle qui est dans l'original et dans les papiers de Jean Zay. Et dans les papiers de Jean Zay. Continuer à travailler. Avec son écriture très reconnaissable. Manifestement, il y a manifestement, c'est probablement un ancien membre de son cabinet qui a transmis le texte et qui est mort en déportation. Donc, Alors, tout cela, qui est terrible, se dégrade encore à partir d'avril 44. À ce moment-là, les conditions de détention ne sont plus du tout les mêmes. Tous les accommodements, disons, qui étaient consentis s'arrêtent. La famille ne peut plus venir. Non, la famille ne vient plus. Plus de visite. Si, le jeudi et le dimanche, au parloir, derrière une grille. Au parloir, derrière la grille. Ouais. Et ça, on lui retire son poste radio. On lui prend son poste de radio. Alors qu'il écoutait Radio Moscou. Oui. Et il sent, et c'est très sensible dans la correspondance de cette époque, l'étau se resserre. Absolument. Et ce qui est tout à fait étonnant dans ce moment-là, c'est qu'à la fois, on voit l'étau qui se resserre. Il dit qu'il va se passer des choses, que ça ne se terminera pas comme ça. Et en même temps, il a un espoir. Il dit toujours, mais oui, c'est terrible, mais nous allons vers la fin. Il prononce presque le mot libération. C'est extraordinaire. Oui, et... La contradiction. Il a une sorte d'optimisme fondamental. Fondamental. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Il est persuadé que tout ça aura un terme. Et de fait, mais ce qui l'intéresse d'ailleurs, c'est beaucoup plus la guerre que la politique intérieure française. Il commande très peu Darlan, par exemple. Darlan n'apparaît dans ses carnets qu'au moment où il est remplacé par Laval en 1943. En revanche, la campagne de Russie, les Américains, les Anglais, les Alliés, la politique internationale, il est très au courant. Il est très au courant de l'état de la population française, de la résistance, du marché noir. Il sait beaucoup de choses. Et de ce point de vue, c'est un très bon témoignage sur la vie quotidienne de la France pendant les années noires. Oui, et sur le fait que la prison est poreuse. On a beau vouloir construire des murs, quand les gens veulent les franchir, ils arrivent à les franchir. Mais en même temps, quand on veut que la prison cesse d'être poreuse, on y parvient. Parce qu'à la fin, ça se referme beaucoup. Les autorisations de visite sont supprimées. Alors, la dernière lettre qu'il adresse à sa femme est une lettre... j'allais dire rétrospectivement extraordinaire oui. Le 19 juin 1944, où il lui dit, comme il dit à sa sœur d'ailleurs, Jacqueline, peut-être que ça va être difficile de correspondre. On m'a dit que peut-être mon sort allait changer. Le directeur Il le dit un peu avant. Il s'attend à quelque chose. Et en plus, il s'attend à être transféré probablement vers un autre lieu. Oui. Il pense que c'est en Allemagne. Et il pense qu'il va avoir le sort de Blum. Oui. Les gens de mon genre, dit-il. Les gens de mon genre, oui, mais dans la correspondance, je n'ai plus le détail, mais par une belle-fille de Blum, il a des nouvelles précises sur la façon dont Blum est traité, et il pense qu'on peut résister à ça. C'est ça qu'il attend. Oui. En fait, l'ordre... Parce que... On est quand même dans un état... Oui, dans la dernière lettre dont nous parlons, il dit à sa femme, et il a plusieurs fois employé cette métaphore, « Je suis un bouchon qui flotte sur l'eau. » Et il est ballotté, il est sans cesse ballotté, mais il flotte insubmersible. Toujours. Il flotte toujours, absolument. Flotte toujours. Oui, mais... oui, Vichy, c'est pas encore... L'état de droit n'est pas totalement disparu. Un prisonnier comme Jean Zay, il est entré dans la prison, il est inscrit sur un registre. Ce n'est pas le cas dans les centres de triage et de transit en Algérie pendant la guerre. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui sont entrés dans des centres de triage et de transit qui n'ont pas été enregistrés et qui ont été exécutés au coin d'un bosquet, au coin d'un maquis. Donc, pour sortir Jean Zay de sa prison, il faut un papier. Le directeur ne va pas le laisser partir s'il n'y a pas un papier. Donc on lui donne un ordre de transfert vers la prison de Melun, qui n'a jamais été prévenue, la prison de Melun, que j'en sais. Et l'ordre est signé du directeur de l'administration pénitentiaire, qui est un milicien. Et il dit, le transfert sera assuré par la milice. Ah oui. Bon, donc ça, c'est un ordre d'exécution, en fait. C'est un ordre donc, d'exécution. Donc les miliciens viennent, le sortent. Puisqu'ils ont le papier. Le 20 juin. Il l'assassine. 20 juin 1944. Il l'assassine. Il le déshabille. Et il le jette dans un trou, comme ça. Des chasseurs vont le retrouver un an plus tard, attiré par l'odeur. Mais rien ne permet son identification. Donc, on l'enterre dans une fosse anonyme au cimetière de Cusset. Et puis, en 1948, quand on retrouve son assassin pour autre chose, l'assassin avoue, et donc on fait le rapprochement, et on va... C'est-à-dire que, d'une certaine manière, Jean Zay a bien failli disparaître totalement. Oui. Il a été, en quelque sorte, on aurait très bien pu ne pas le retrouver. Ce corps qui va être transféré au Panthéon maintenant. Il avait perdu et son corps et son nom. Et son nom. Une sorte de... C'est-à-dire que ce n'était plus un bouchon, c'était un caillou qui était tombé au fond de l'eau. Et à l'heure actuelle, il est enterré... Il est enterré au cimetière d'Orléans. Au cimetière d'Orléans, voilà. Ouais. Où Madeleine l'a rejoint... Très tardivement. Tardivement, oui. Je me souviens encore des obsèques de Madeleine au temple d'Orléans. Tout ça, c'est une histoire, c'est un homme... un homme que, à travers ses écrits, on apprend à aimer, à connaître, vraiment remarquable. Et puis il écrit bien. Merveilleux, il écrit très bien. Il écrit très bien. Et ses lettres sont un véritable journal, enfin, un film formidable. Donc c'est un livre important et à lire, écrit Jean Zay, écrit De prison, de prison 1940-1944, présenté par Antoine Prost aux éditions Belin. Quittons Jean Zay, mais retrouvons les drames, continuons les drames avec vous, Dominique Missica. Dominique Missica, vous êtes éditrice, historienne, écrivaine, femme de radio, femme de télévision, puisque vous êtes beaucoup occupée de la chaîne Histoire. Et vous publiez aujourd'hui aux éditions du Seuil L'institutrice Dizieux. J'aimerais que vous nous disiez aussi qui elle est et puis comment vous l'avez rencontrée et pourquoi ce livre. C'est toujours une question délicate. En réalité, pour des raisons personnelles, je connaissais la rafle Dizieux depuis très longtemps. Et puis en 2000, comme vous l'avez rappelé, je suis à la chaîne Histoire et je supervise la diffusion du procès Barbie. Pour la première fois, on voit les archives audiovisuelles du procès Barbie. Donc c'est 107 témoins, c'est 39 avocats, c'est 185 heures d'enregistrement du procès Barbie. Je les connais. J'en ferai d'ailleurs une série d'émissions pour France Culture en 2004, un été entier, 25 heures d'émission. Donc c'est au fond une histoire qui me trotte dans la tête. Et puis, en 2005, je suis à Izieux, puisque je suis membre du comité scientifique du mémorial d'Izieux, et je suis chargée d'une campagne d'enregistrement audiovisuel de témoins de la guerre, déportés, enfants de déportés, justes, résistants juifs. Et je m'approche de Gabrielle Perrier, l'institutrice qui avait été en poste à partir de l'automne 43 à Izieux. C'est une belle dame, grande, très élégante, très discrète. Et je l'interroge et je lui dis « Accepteriez-vous de répondre à mes questions pour l'Institut national audiovisuel, cette campagne d'enregistrement de témoins de l'histoire que je réalise ?» Et cette dame me regarde avec un air extrêmement bienveillant, gentil, mais me dit non. Et son nom me dit que je ne peux pas tellement insister. Je ne sais pas pourquoi elle m'inspire tout de suite, bien sûr, le respect, mais aussi, elle m'intimide et je me dis, alors que j'ai l'habitude de convaincre les témoins de répondre à mes questions, là, je sens que je ne vais pas pouvoir aller beaucoup plus loin. Je la laisse marcher de côté, s'éloigner, et au fond, je l'oublie sans vraiment l'oublier. Elle restait dans votre dans ma mémoire. Alors pour le coup dans ma mémoire. Et puis cette maison d'Izieux pour laquelle je siège régulièrement, ce comité scientifique, est une histoire qui me tient vraiment à cœur, cette rafle des enfants le 6 avril 44. Et j'arrivais pas à savoir qu'est-ce que j'avais envie de dire, que je ressentais chaque fois que j'allais dans ce petit village de l'Ain, à 80 km d'Izieux, dans l'Ain, c'était au pied du Jura, dans un panorama absolument magnifique. Et dès qu'on arrive dans ce lieu, il y a quelque chose qui se produit et je suis toujours bouleversée. Et je me dis, mais il faut que j'arrive à écrire et à sentir et à me faire partager ce que je ressens. Et je me suis dit, mais au fond, cette institutrice qui a vécu là pendant 5 mois avec ses enfants, ses élèves, mais qui est-elle? Et puis, je trouve la photo aussi où je suis à cette cérémonie en 2005 où elle refuse de répondre à mes questions et je suis à côté d'elle. Voilà, donc je sais pas. Je me dis, c'est un témoin de l'histoire. J'en sais pas grand-chose. Et puis, toute seule dans mon coin, je me suis dit, je vais enquêter sur elle. Qui est-elle? Qu'a-t-elle vécu? Qu'a-t-elle ressenti? Mais saviez-vous, Dominique Missica, à ce moment-là, qu'elle avait été l'institutrice. Oui, vous le saviez, absolument. À cause du procès. À cause du procès, oui. À cause du procès Barbie, à cause du travail réalisé, du travail d'histoire réalisé par le mémorial d'Izieux, par Pierre-Jérôme Biscara, qui en est par Serge Klarsfeld d'abord, évidemment, par Pierre-Jérôme Biscara, qui est l'historien qui avait raconté la rafle, l'arrivée de cette institutrice, dont Gabrielle Perrier, à l'automne 43, elle a 21 ans, elle est institutrice suppléante, stagiaire, elle attend un poste. Et à l'automne 43, à la conférence pédagogique, l'inspecteur, M. Gonnet, lui dit « Oui, ben, vous cherchez un poste, et bien attendez, je vais voir ce que je peux faire pour vous. » Et cet inspecteur lui dit « Vous irez à Izieux. C'est une colonie d'enfants réfugiés. Allez-y, la directrice, Madame Zlatin, vous attend. » Oui, est-ce que juste une parenthèse, est-ce que l'on peut penser que l'inspecteur en question avait prémédité un petit peu ? On ne sait pas, ça. On ne sait pas trop, oui, parce qu'en fait, oui, sans aucun doute, cet homme qui est un homme admirable, ce fameux monsieur Gonnet, il a comme souci de trouver une institutrice pour ses enfants réfugiés de l'Hérault. Il sait que ce sont des enfants juifs, même si personne ne le dit, mais c'est clairement une maison d'enfants juifs. Ces enfants ont été internés pour la plupart dans les camps du sud de la France, Rivesaltes, Gurs. Ils sont sous le couvert de l'OSE, qui est l'organisme de secours aux enfants juifs. Oui. Ils ne sont pas du tout clandestins, ils ne sont absolument pas cachés. Ce sont des enfants juifs qui se trouvent être abrités dans cette colonie à Izieux, dans ce petit village du Bugey, grâce à la bienveillance du sous-préfet de l'Ain, Pierre-Marcel Vilser. Donc, tout est déclaré, il n'y a rien de clandestin. Et le souci de la directrice, Mme Sabine Zlatin, qui a hébergé et qui a conduit ses enfants, une cinquantaine d'enfants, au printemps 43, c'est de leur trouver une institutrice. Ils sont scolarisés, oui. Ils doivent l'être. Et le ministère de l'Éducation nationale répond « Oui, c'est une colonie d'enfants réfugiés ». Qu'ils soient juifs, oui, mais en fait, ils sont des enfants réfugiés qui doivent être scolarisés. Oui, une question encore. Quand ça s'est organisé, c'était zone libre. L'Ain est une zone italienne. D'abord, sous occupation italienne, mais en septembre 1943, les Italiens sont partis et ont été remplacés par les Allemands. Donc, de toute façon, en 1943, il n'y a plus de zone libre. Il n'y a plus de zone libre. Donc, il n'y a plus... Il n'y a pas le choix, sauf que cet inspecteur se soucie de la scolarisation de ses enfants. Et s'il choisit cette jeune institutrice, peut-être parce qu'elle est débutante, qu'elle est toute désireuse d'avoir un poste, pleine d'énergie, d'accomplir sa mission, il la nomme à Izieux. Il va faire preuve d'une extrême bienveillance puisqu'il va l'inspecter, comme tout inspecteur doit le faire. Sauf que Gabrielle Perrier, dont je raconte le destin, qui la voit donc institutrice d'une cinquantaine d'enfants juifs, quand elle commence à faire l'appel, elle se rend compte que ces noms ont une consonance un peu bizarre. Oui. Voilà. Oui. Étrange. Bon, attendez, étrange. L'inspecteur dont vous parlez, c'est l'inspecteur d'académie ou l'inspecteur primaire ? L'inspecteur primaire. Ça, qu'ils viennent l'inspecter, c'est normal. En ce temps-là, les inspecteurs primaires inspectent. Ils inspectent réellement. Sauf qu'elle n'a pas de registre d'appel, elle n'a pas de registre matricule, parce qu'en fait, elle a très peu de moyens. C'est une école qui a été installée avec les pupitres venus d'une école voisine. C'est improvisé, tout ça est provisoire. D'ailleurs, on lui a dit qu'elle serait titulaire de ce poste le temps de la guerre. Donc, en fait, elle ne sait pas très bien combien de temps elle va rester. Et l'inspecteur va fermer les yeux sur le fait qu'elle n'a pas tous les outils, elle n'a pas de manuel de lecture, elle n'a pas de carte de géographie ou d'histoire. Mais elle travaille et elle apprend à lire, à écrire et à compter à ses élèves, comme le fait une institutrice. Sauf que ses enfants sont en danger. Sauf qu'elle ne sait pas qu'ils sont en danger. Elle se doute que, parce que la directrice de la colonie lui dit Je suis inquiète parce qu'il y a eu des rafles tout autour de Dizieux, parce qu'on est au printemps 44 et qu'elle sent quand même bien qu'il y a des arrestations dans l'Ain. Mais de là à penser que les enfants étaient en danger, elle n'en a absolument aucune conscience. Et elle va s'appliquer du mieux qu'elle peut à être leur institutrice. Sauf que la veille des vacances de Pâques, Gabrielle Perrier dit au revoir les enfants, puisque ce sont les vacances de Pâques et qu'elle rentre chez elle, à une vingtaine de kilomètres de là, à Colombieux. Les enfants restent dans la colonie, tout ça, rien de plus comme dans une colonie de vacances. Comme dans n'importe quel orphelinat. Non, voilà, absolument, des enfants séparés. Elle a conscience petit à petit que ce sont des enfants juifs, séparés de leurs parents, qui ont vécu des choses horribles, des cauchemars. D'ailleurs, il y a un des petits garçons qui lui dit « Vous savez, les Allemands nous ont fait beaucoup de mal. » Donc, elle sait. Mais bon, elle est institutrice. Elle part, c'est les congés de vacances de Pâques. C'est la veille du 6 avril 1944. Elle rentre chez elle. Le lendemain matin, elle va à Belley, au marché. Et là, une connaissance lui dit « Sais-tu ce qui s'est passé ?» Elle dit « Non. » Ou « Quoi ?» Et on lui apprend la rafle des 44 enfants et des 7 moniteurs le jour même à Isieux, dans ce petit village de l'Ain. Et là, le monde pour elle s'écroule. Elle est totalement brisée par cette annonce. D'abord, elle a très peur. Elle a très peur pour elle aussi. Parce qu'elle aurait pu être là. Elle aurait été raflée aussi. Elle se dit que peut-être les Allemands vont venir la chercher chez elle, mettre en danger sa famille. Elle ignore tout. Et là, son destin bascule du jour au lendemain. Et ce que j'essayais de raconter, c'est qu'il n'y a pas de nom pour désigner une institutrice qui voit ses 44 élèves raflés du jour au lendemain. Oui. Elle n'a pas de statut. Parce que se passe-t-il ? L'inspecteur lui dit « Bon, vous allez aller ailleurs. » Il lui donne un autre poste. Il lui donne un autre poste. Que peut-il faire d'autre ? Oui. Rien, voilà. Et elle est coupée du reste de l'histoire. Des survivants, elle ne peut rien... D'abord, elle ne sait même pas ce que deviennent ses élèves. Est-ce qu'il y a eu des survivants ? Non. Il y a eu Léa, la seule. C'est la une des monitrices. Non, qui est arrêtée avec les 44 enfants, qui va être déportée à Auschwitz et qui va être une survivante, une rescapée d'Auschwitz. Simplement, Léa, elle va rentrer en France et va partir en Palestine. Donc, le contact est rompu. Personne ne se souvient de Gabrielle, parce que c'est ça son histoire aussi. Oui, son histoire, c'est ça. C'est qu'en fait, elle est invisible, effacée. Elle est effacée. Elle disparaît. Elle disparaît des radars, comme on pourrait dire trivialement. Elle disparaît des radars. Oui. Qui peut la connaître ? Les enfants, ils ont été assassinés à Auschwitz. Les moniteurs aussi. Il y a Léa, elle est en Palestine. Ceux qui ont été raflés, qui ont échappé à la rafle parce qu'ils sont partis avant Dizieux, ils ne l'ont pas connue parce qu'elle est arrivée à l'automne 43. La justice l'ignore. Il y a une enquête judiciaire en 45, mais elle n'est pas témoin oculaire de la rafle. Puisqu'elle n'est pas là le jour de la rafle, donc il n'y a aucune raison de la faire venir. Oui. C'est une femme discrète, modeste, humble. Oui. Elle ne sait pas comment trouver sa place. Elle n'a pas de place en réalité. Oui, elle va rester silencieuse. Oui. Antoine Pro. Non, on lui a donné un poste d'institutrice à la rentrée suivante et elle a fait une carrière d'institutrice. Jusqu'à la retraite. Elle a peut-être fait autre chose. Non. Elle a peut-être été directrice d'école, etc. Dans le Bas-Bugey, elle n'a jamais quitté le canton. Elle s'est mariée à 50 ans. Elle n'a jamais quitté le Bugey autrement que pour ses voyages, ses congés d'été. Elle est restée dans le périmètre d'Isieux. Elle n'a cessé de penser à cette rafle et à ses 44 élèves. Oui. Et alors justement, Dominique Missica, qu'est-ce qui va la faire ressurgir, Cariac ? Un grand événement qui va C'est l'arrestation de Klaus Barbie, son arrivée en France. En 83. Donc on est quand même 44-83, ça fait un long laps de temps de silence. Oui. Et là, elle écrit, elle se décide soudainement, elle écrit à l'ancienne directrice de la colonie d'Izieux, Sabine Zlatin, qui n'était pas là le jour de la rafle, qui d'ailleurs a acheté une maison à côté d'Izieux, à côté, oui. Donc à une très trentaine de aussi. Kilomètres de, oui. d'Izieux, mais oui. l'institutrice n'était pas en relation avec elle. Et là, elle lui écrit, elle lui dit « si je peux faire quelque chose, si je peux attester, si je peux témoigner, je suis à votre disposition ». Et là, c'est oui. une autre partie de sa vie qui va commencer. Oui, car Dominique Missica, on ne l'aurait pas convoqué peut-être dans le non, s'il n'avait pas... Elle-même dit, moi j'étais témoin, enfin j'étais témoin. Elle est oubliée. D'une certaine manière. Oui. Elle est oubliée de l'histoire. Oui. C'est étrange, c'est mystérieux, mais elle est oubliée de l'histoire. Oui. Et là, elle ressurgit, elle va témoigner au procès Barbie, succinctement, évidemment timidement, mais ça c'est... C'est elle, tout craché, il n'y a pas d'autre. Mm. Mais pour elle, c'est essentiel parce qu'elle va renouer avec les anciens d'Izieux. Elle va retrouver... tous ceux qui ont vécu à Izieux avant la rafle, oui. qui eux aussi avaient oublié, parfois même qu'ils avaient été hébergés quelque temps à Izieux. Oui. Oui. Elle va comprendre en témoignant publiquement et solennellement qu'elle est un témoin de l'histoire. Elle va participer à l'ouverture du mémorial d'Izieux, recevoir les élèves qui viendront en classe d'études. Elle va témoigner. Toujours discrètement, hein, parce que quand j'ai commencé mon enquête sur elle, j'ai interrogé tous ceux qui l'avaient connue, et chaque fois on me répondait « Ah, elle était discrète mais et attendez, silencieuse ». Quand vous avez commencé votre enquête, elle était morte ? Oui, en fait, elle est morte en 2009. Ouais. Et j'ai commencé réellement, à sa mort, à me dire « c'est au fond, en mourant, elle emporte avec elle une page d'histoire ». Et on n'a pas. Moi aussi, j'ai raté. Qui vous a le... décidé en quelque Alors, sorte. Alors heureusement, le mémorial d'Izieux en 2002 l'avait longuement interviewé. Alors certes, ses réponses étaient extrêmement sibyllines, mais Nadine Fresco l'avait interviewé et avait essayé d'arracher quelques souvenirs. C'est une histoire extraordinaire. Quelques questions. Comment Qu'est-ce qui a dénoncé Pourquoi cette rafle ? Alors qu'il y avait quand même une connivence, une complicité, les enfants dans le pays. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'on le sait ? En fait, ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas eu véritablement de dénonciation et que les services de Klaus Barbie étaient parfaitement opérationnels. La maison n'est pas cachée, elle n'est pas clandestine, elle est déclarée partout, au ministère de l'Éducation nationale, à la gendarmerie, à la sous-préfecture. Ouais. Il y a des tickets de rationnement, tout le monde connaît... Tout le monde connaît son existence. Semi-public, oui. Y a eu des rafles à l'UGIF et à l'OSÉ. Il y a du courrier qui est adressé. Donc, si on veut venir rafler les enfants, il n'y a pas de difficulté. Non. Simplement, ce qu'il y a de vrai, c'est qu'il y a un homme qui s'appelle Lucien Bourdon, qui a été en fait acquitté en 1947, qui est un réfugié lorrain et qui est présent et qui amène les Allemands sur place. Mmh. Alors certes, il faut trouver l'endroit. Ça, c'est évident que c'est un endroit isolé. Mmh. Mais la connaissance, il n'y a pas besoin de dénonciation. Oui, il n'y a pas besoin de dénonciation. C'est le zèle des services de Klaus Barbie qui sont en train de ratisser l'un et qui savent qu'il y a des enfants et des adultes juifs, s'en fait toujours 50 de plus à mettre dans un convoi de déportation. Oui. Il n'y a même pas besoin de dénonciation. Le pire, c'est qu'il n'y a même pas besoin de dénonciation. Il n'y a même pas besoin de dénonciation. La rafle des enfants d'Izieux a joué un rôle essentiel dans le procès Barbie, parce que c'était un crime contre l'humanité. Ah bah oui. Hein voilà, c'est un échec d'accusation, c'est ce qui permet de juger Klaus Barbie, et c'est grâce à Serge Klarsfeld qui retrouve le TEDx, ce fameux TEDx d'Izieux, qui, s'il ne prouve pas la présence de Klaus Barbie sur place, prouve l'efficacité de Klaus Barbie, qui le soir à 21h, alors que la rafle a eu lieu le matin, envoie un télégramme et un rapport pour dire « la maison d'Izieux est dispersée ». Les enfants... La maison est vide. Oui. La mission a été remplie de A jusqu'à Z. Il n'y a pas eu une seule échappatoire et une seule chance d'échapper pour les enfants et pour leurs moniteurs à Izieux ce jour-là. Oui, oui. Mais Antoine Pro. Enfin, beaucoup de choses étaient connues de l'administration de Vichy. Le refuge du Chambon était de notoriété publique. L'école des deux institutrices a dit... Mmh. Il y en a une que je connaissais bien parce qu'elle venait de Genève. C'était deux femmes qui étaient d'ailleurs lesbiennes qui ont hébergé... Adulfi, comment s'appelle-t-elle, Marc? Oui. Je crois que c'est Marguerite, j'ai oublié son nom. Oui. C'était connu de la police. Alors là, je crois qu'il n'y a pas eu de rafle à Diolfi. Non, il y a eu une chance. Et c'est, en fait, c'est le zèle de Barbie qui d'ailleurs sera tellement bien montré au procès parce qu'il dira « je ne suis pas responsable de la rafle » parce que c'est vrai que l'on voit sa marque vraiment du travail de accompli, parce qu'il faut faire un sacré détour pour aller à Isieux. C'est ça qui trouble aussi. C'est pour ça que j'invite toujours les gens à aller sur place, parce qu'il faut y arriver. Je vous assure qu'il faut y arriver. Donc c'est quand même un sacré zèle. D'ailleurs, ils vont, quand ils vont repartir d'Isieux, ils vont s'arrêter en bas pour reprendre du gazogène, parce que la route est quand même longue jusqu'à Lyon. Oui, il faut quand même. Il faut vraiment le vouloir. Oui. Et c'est vrai que la dispersion des maisons d'enfants avait été... Le mot d'ordre avait été donné avait été donné dès le début de l'année 44. Sabine Zlatin cherchait un abri pour les enfants. Il y avait urgence. Trop tard, Barbie est passée par là, simplement. Oui. Et Dominique Messica, vous avez dit que vous occupiez beaucoup de la maison d'Isieux. Qu'est-ce qui s'y passe aujourd'hui comme lieu de mémoire? Alors, nous venons de commémorer le 70e anniversaire de la rafle. C'est un musée, c'est un mémorial et il y a énormément d'activités pédagogiques. Il y a près de 15 000 visiteurs chaque année qui viennent, des classes entières de toute la France et évidemment des visiteurs. Il y a un musée. D'abord, il y a le lieu qui a été conservé, cette maison avec la classe de Gabriel. On voit les pupitres, on voit les rédactions des enfants, les dessins, les bulletins, les appréciations, les rédactions rédigées. On voit donc la maison telle qu'elle a été occupée par les enfants en 1943. Et à côté, il y a un musée qui raconte à la fois le sort des enfants juifs en France pendant la guerre. Rappelons quand même que 11 000 enfants juifs ont été déportés depuis la France. Et c'est un lieu de mémoire et d'histoire, avec un musée, des activités pédagogiques extrêmement bien réalisées. Et je crois que vraiment, aller sur place, c'est saisir la tragédie. Je crois que personne ne peut... Parce que le lieu, en plus, est absolument magnifique. Il est face au mont du Jura, des Alpes, et à la vallée du Rhône. C'est un endroit calme, idyllique, un endroit où, comme avait dit le sous-préfet, ici, vous serez tranquille. La tragédie... Oui, mais au moins, le sous-préfet n'est pour rien dans la rafle. Non. Voilà. Oui. Contrairement à ce que dit la plaque. Oui, absolument. Ça, il faudrait changer cette plaque. La plaque, c'est-à-dire... Oui, mais dites, je ne sais pas par cœur. Non, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu, comme toujours, un travail de mémoire qui a dû être effectué, un travail d'histoire pour restituer au plus près ce qui s'est déroulé. Et je crois que c'est très important qu'on comprenne que le nazisme a vraiment pourchassé les enfants juifs jusqu'au bout du monde. Et c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Et que là, les enfants avaient été accueillis, protégés, hébergés et bénéficiaient vraiment d'un havre de paix. Malheureusement, une fois de plus, le nazisme a su les trouver, les dénicher. Dominique Messica, il faut aller donc à la maison d'Isieux. Il faut lire votre livre, L'institutrice d'Isieux, qui vient donc de paraître au Seuil et qui raconte l'histoire de l'institutrice Gabrielle Perrier et puis aussi des procès, notamment du procès Barbie. Merci beaucoup pour cette histoire. C'était Les Lundis de l'Histoire, présenté aujourd'hui par Michel Perrault.